Marilou se fait des aéroplanes, en repliant des dépliants d'agences de voyage, genre Cook, où l'on peut voir des pin-up à gros seins look sur fond d'azur de Louisiane. Elle est marrante. C'est une fan du Captain Cook. Elle a sur lui tout un pressbook, aussi sur Tarzan, dont elle est folle comme Jeanne. Je la vois s'enlacer, et lui, de liane en liane, pousser son cri en volapouc, du côté Pernambouc. Et moi, Chita le singe, qui leur cavale au cul dans la savane. Un jour, se dissiperont.